À 15 ans, sa vie est devant son passé et celui d'une petite fille. Tout juste rentrée dans l'adolescence, elle va à l'école comme les autres filles de son âge. A des amis et commence à avoir des petits amis. Rien de sérieux, juste des petits flirts. Une ado comme toutes les autres, son univers, elle le construit dans sa chambre. Une chambre avec des posters de chanteurs, mais aussi des peluches. Les souvenirs de sa vie d'enfant si proche qu'à 15 ans, elle aimerait être une femme et se réfugie dans sa chambre pour guérir des bobos d'ado. Une dispute, une peine de cœur, mais derrière cette femme enfant se cache un lourd secret que personne ne se doute. T'as qu'à juste regarder tout autour de toi, tous ces gens qui t'aiment, qui ont besoin de toi. Ta famille comme tes enfants sont sur ton cœur. Ne les quitte pas, non car ils ont peur. Cette vie sans toi, alors reste là. Car aucune femme ne peut te remplacer, tu vois. Que derrière ce sourire, derrière cette porte, tous les soirs elle pleure. Personne ne se doute que derrière ce sourire, derrière cette porte se cache une blessure si profonde qu'aucun pansement, qu'aucun médicament ne pourrait la guérir. Amoureuse de ce garçon, elle lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Elle aurait tout fait pour lui, mais ce soir-là, ce soir d'été, elle ne se serait jamais doutée de ce qui allait se passer. De petits bisous en petites caresses, la barrière entre le plaisir et la douleur est franchie. Le plaisir pour lui, la douleur pour elle. En quelques minutes, elle passe de petite fille à la femme, sans l'avoir désirée, sans l'avoir demandé. En quelques minutes, elle passe de statut de petite fille à celui d'ado. T'as qu'à juste regarder tout autour de toi, tous ces gens qui t'aiment et qui ont besoin de toi. Ta famille comme tes enfants sont sur ton cœur. Ne les quitte pas, non car ils ont peur. Cette vie sans toi, reste là. Car aucune femme ne peut te remplacer, tu vois. En quelques minutes, elle passe de statut de petite fille à celui d'ado, d'ado violet. À présent, elle porte en elle feutré derrière cette porte, la porte au secret. Jusqu'à quand gardera-t-elle ce secret? Quand elle osera-t-elle en parler? Car même dans une chambre de petite fille, il y a des douleurs d'adultes. On ne se protège pas de tous, même des gens qui nous entourent, des gens qu'on apprécie. Jusqu'à quand gardera-t-elle ce secret?